La prise de contact avec l'esprit. Partie 1, 2, 3. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Tout d'abord, je vais définir c'est quoi l'esprit. Alors, l'esprit, c'est la partie de vous-même qui n'est pas dans la matière. Donc, l'esprit, c'est un aspect de vous-même qui ne s'est jamais incarné sur Terre. En ce sens que l'esprit, c'est une partie qui est restée sur un plan de nature énergétique que certains vont appeler le plan éthérique et qui n'aura pas été assujetti aux lois de la matière, à la différence de vous, auquel je m'adresse, c'est-à-dire que vous êtes dans un corps physique présentement, vous entendez avec vos oreilles des signaux sonores que vous traduisez en termes compréhensibles à partir de votre intellect. Donc, vous êtes à quelque part une partie distincte de l'esprit tant aussi longtemps que vous n'êtes pas fusionné avec lui, donc vous ne vivez pas un état d'unité avec lui. Et l'esprit, lorsqu'il établit le contact avec une âme à une évolution à travers un corps de chair, eh bien, c'est dans le but éventuellement qu'il y ait une union, une fusion avec lui. Et ça, c'est la finalité de la prise de contact avec l'esprit. Et cette prise de contact va survenir lorsque l'esprit va juger que l'âme est prête à vivre ce choc qui se rapporte à cette mise en relation. Je parle de choc parce que jusqu'au moment où ce que l'esprit établit le contact avec l'âme, l'âme croyait que c'est elle qui dirige sa vie, qui est aux commandes de sa vie. L'âme ne vivait qu'en fonction de ce qu'on va appeler l'ego, l'orgueil d'avoir l'impression d'être aux commandes de sa vie, de tout contrôler, de tout gérer. Et c'est souvent à travers un choc, un traumatisme, un événement que l'ego n'a pas choisi, n'a pas décidé, que là, l'âme va réaliser qu'il y a dans la vie, dans l'univers, des forces qui lui échappent. Pour vous donner un exemple d'événement perturbateur qui va bousculer l'âme, c'est par exemple la perte d'un être cher. Donc, ça peut être aussi la perte d'un emploi, ou d'apprendre qu'on est atteint d'une maladie grave, comme par exemple le cancer ou le sida. Donc, lorsque l'individu est confronté à un événement difficile, qu'il n'a pas choisi en tant qu'ego, et qu'il y a une certaine gravité, c'est à ce moment-là que l'ego va se mettre à se poser des questions sur le sens de la vie, de la mort, pourquoi que cet événement lui arrive plutôt qu'à une autre personne. Donc, c'est là que l'individu peut se mettre à faire ce qu'on va appeler de l'introspection. Donc, autrement dit, se retourner à l'intérieur de lui, être à l'écoute de sa sensibilité, son intuition, et éventuellement réaliser qu'à travers l'intuition, le ressenti, il y a un esprit qui habite en lui et qui a une autonomie de conscience et un niveau d'intelligence qui est différent du sien en tant qu'ego. Donc, autrement dit, l'esprit, lorsque le contact s'effectue, eh bien, va amener l'individu, sa contrepartie terrestre, à réaliser que c'est pas lui qui contrôle sa vie, qu'il y a d'autres éléments qui lui échappent, et que les événements auxquels ils sont confrontés, qu'ils soient difficiles ou qu'ils soient agréables, sont toujours en relation avec son évolution personnelle. Parce que le but de l'esprit, c'est de prendre l'âme et de l'amener à monter en vibration au cours de son existence, à faire des prises de conscience, pour que l'âme, au moment de sa mort, son décès, au moment où elle va quitter son corps pour retourner sur les plans dans l'invisible, soit plus intelligente qu'elle l'était au moment de son incarnation. La prise de contact avec l'esprit se fait parfois suite à des traumatismes. Dans certains cas, il n'y a pas de prise de contact de cette nature parce que l'individu, il faut qu'il ait développé une certaine sensibilité qui va faire qu'il va être réceptif à l'esprit, parce qu'après tout, l'esprit communique par vibration, par énergie, à travers le phénomène de la pensée. Donc l'esprit doit avoir l'individu sur Terre, qui est la contrepartie terrestre de l'esprit, doit avoir une sensibilité à une ouverture à sa contrepartie cosmique pour qu'une communication puisse s'établir. Et dans certains cas, il y a des esprits qui prennent contact avec une âme pendant une existence. Dans certains autres cas, ça peut être dans deux existences, dans trois existences. Donc, c'est en fonction du rythme d'évolution de l'âme. En ce sens que pendant la vie présente, la vie actuelle, il y a certaines âmes qui vont vivre la prise de contact avec l'esprit. Et il y en a d'autres, ça va aller dans une dizaine ou dans une quinzaine d'existences, avant qu'elles soient prêtes pour encaisser ce choc-là. Parce que la communication avec l'esprit peut créer des chocs qui sont déstabilisants. Dans certains cas, il y a des gens qui vont prendre contact avec des entités dans l'occulte, des entités notamment des plans astraux, d'une manière prématurée, en ce sens que, par exemple, il y a des individus qui vont consommer de la drogue, et lorsqu'ils sont en état d'intoxication liée à la consommation de drogue, eh bien, vivent des états altérés de conscience, et lors de ces moments, eh bien, ils sont plus réceptifs à percevoir des choses qui ont trait à l'invisible, et vivent une mise en contact avec des entités astraux. Mais si leur structure énergétique n'est pas suffisamment développée, leur discernement également, ça peut être extrêmement destructeur parce que ces gens-là peuvent se faire chevaucher par ces entités autres que leur esprit propre. Et ces entités ne sont pas nécessairement bien intentionnées. Et dans certains cas, ça fait des gens qui se retrouvent en asile psychiatrique liés à des problèmes de santé mentale, étant donné qu'ils perdent contact avec la réalité physique, ils sont englobés par l'invisible et ils ne sont plus capables de fonctionner dans leur vie de tous les jours. Ils peuvent devenir un danger pour eux-mêmes et également pour la société s'ils sont mis en contact, s'ils sont branchés avec des entités de l'invisible. Donc le contact avec l'esprit, si ça arrive dans votre vie, ce qu'il fait, c'est qu'il vous amène à travers les idées, la pensée, à établir éventuellement un dialogue avec vous. Donc, à réaliser qu'à quelque part, la pensée n'origine pas de vous. Vous avez des pensées qui proviennent d'entités de l'invisible. Ça peut être lui ou d'autres entités, comme je le mentionnais. Il y a d'autres niveaux de réalité. Et en réalisant ça, ben, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, c'est que vous entamiez une conversation avec lui. Certaines personnes vont vivre ce contact-là lorsqu'ils font, par exemple, de la méditation à travers un moment de ressourcement, un moment dans lequel ils sont en silence avec eux-mêmes. Et là, ils posent une question. Et dans le silence, l'introspection, lorsqu'ils sont en contact avec l'intérieur, ils peuvent percevoir, ressentir une réponse surgir et monter à la surface. Et c'est à partir de ça qu'ils peuvent travailler par la suite pour établir un dialogue avec leur esprit qui va les amener à changer leur vie, parce que la présence de l'esprit va amener des réajustements créatifs dans l'existence de l'individu. Et l'une des caractéristiques de l'individu qui est en contact avec l'esprit, bien, c'est qu'il est créatif. C'est un individu qui, au lieu de toujours répéter les mêmes mémoires d'une manière répétitive, va toujours chercher à s'adapter à ce qui est intelligent, c'est-à-dire ce qui l'amène à de la nouveauté, à toujours se redéfinir avec de plus en plus de précision pour vivre une vie qui est de plus en plus harmonisée à la totalité de son être, pas juste en fonction de son ego, de ses désirs d'ego, mais de l'intégralité de son être, sa totalité. Et c'est ça le travail de l'esprit. Lorsque l'esprit prend contact avec l'individu, il va lui infuser dans le mental, lui envoyer des idées nouvelles, des idées créatives, des idées qui peuvent parfois le surprendre, le faire sourire. Et c'est ces idées qui, lorsque l'individu sur Terre, sa contrepartie terrestre, met en application à travers la parole, à travers les gestes, l'action, va amener un changement dans sa vie. Autrement dit, l'esprit va, par exemple, amener l'individu qui s'éveille à s'intéresser à des sujets qui autrefois ne l'intéressaient pas. Par exemple, l'esprit peut amener l'individu qui jusqu'alors s'intéressait à assister à des matchs de hockey, s'il est au Québec, ou de foot, de soccer, de football, s'il est en Europe, à s'intéresser à autre chose, comme par exemple d'aller à une librairie et s'acheter un livre qui parle de conscience, alors qu'avant ça ne l'intéressait pas du tout et la personne ne faisait que regarder des matchs sportifs à la télévision ou écouter des films d'action ou écouter de la musique rock. Donc l'esprit va amener l'individu à s'intéresser à lui, donc ce qui va toucher dans certains cas, la croissance personnelle, l'éveil de la conscience, donc des sujets qui ont trait justement à l'esprit, parce que l'esprit amène l'individu à s'intéresser à l'esprit. C'est pas très compliqué. Autrement dit, l'esprit veut attirer éventuellement l'attention sur l'individu lorsqu'il juge qu'il est prêt pour qu'il y ait un dialogue, une communication qui va déboucher éventuellement sur une communion et aussi, en terminant, une fusion entre les deux.